Mission de confiance par Adrien Belli. Le domestique de M. Trémoli lui remit la carte d'un visiteur. M. Trémoli laissa tomber un regard qui remonta ensuite vers le plafond. Il se demandait s'il connaissait la personne qui portait ce nom, Louis Morsan. Il n'avait jamais encore entendu parler de quelqu'un qui s'appelait Louis Morsan. Qui pouvait bien être ce Louis Morsan? Ma foi, il n'y avait qu'à le lui demander, et il dit « Faites entrer !» M. Louis Morsan parut. C'était un homme jeune, au buste cambré, à la courte moustache brune relevée en pointe, aux cheveux drus disposés en brosse. Il était correctement vêtu. Distingué? L'apparence d'un sous-officier en civil. Un air de politesse plus professionnel que vraiment naturel. M. Louis Morsan, au premier examen, semblait appartenir à cette catégorie d'individus que certaines agences chargent de missions de confiance. Mais il avait déjà engagé la conversation. « C'est bien à M. Trémoli que j'ai l'honneur de m'adresser. À lui-même, monsieur. Je ne crois pas avoir l'avantage de vous connaître et... Et vous vous demandez, sans doute, quel est l'objet de ma visite. Je vais vous le faire connaître, si du moins je n'abuse pas de vos instants. Je vous écoute, monsieur. » « Je pense que vous êtes bien M. Alfred Trémoli, qui a épousé il y a quelques années Mme Berthe Brunet. En effet, monsieur, mais quelle femme charmante. Je n'en disconviens pas. Et quel heureux caractère. Vous me permettrez de n'être pas tout à fait de votre avis à cet égard. Mais puis-je vous demander? Oh, je sais bien. Un caractère dépend toujours d'un autre caractère. On ne peut pas dire qu'il y a de façon absolue de bons caractères. Il y a des caractères qui s'entendent avec d'autres caractères, et il y en a qui ne s'entendent pas. Et je crois savoir que celui de Mme Berthe Brunet se heurtait sans cesse au vôtre, à moins que ce ne fût le vôtre qui se heurta au mien. En somme, ça ne marchait pas du tout entre vous deux. Je vois que vous êtes bien renseigné. Il me reste à prendre un peu de patience, monsieur, et tout sera expliqué. La vie est devenue un enfer pour Mme Berthe Brunet et vous. C'était des discussions, des scènes continuelles. Vous en étiez arrivé à ne plus pouvoir vous supporter l'un l'autre. Il n'y avait, à une situation aussi déplorablement tendue, qu'une solution. Le divorce. C'est cela, le divorce. Vous avez donc résolu, Mme Berthe Brunet et vous, de divorcer. C'est d'ailleurs le seul jour de votre union où vous vous trouvâtes complètement d'accord. Seulement... Qu'allez-vous encore m'apprendre que je ne sache déjà? Oh, rien, monsieur. Seulement, vous étiez fort amoureux de Mme Berthe Brunet. L'incompatibilité d'humeur n'est pas incompatible avec un amour violent. Telle était la nature du vôtre pour Mme Berthe Brunet. Vous ne pouviez plus vivre avec elle, mais vous ne pouviez vous résoudre à la pensée qu'elle peut vivre avec un autre. Pendant l'instant sans divorce, lequel fut d'ailleurs prononcé au tort réciproque des deux époux, combien de fois ne lui avez-vous pas répété « Tu sais, je ne veux pas que tu te remaries. » Si tu te remaries jamais, j'irai provoquer mon successeur et je l'embrocherai comme un simple lapin. » En admettant que l'on n'embroche jamais les lapins. L'expression est en effet bizarre. Mais je crois savoir que vous l'avez employée. Je le reconnais. Et d'ailleurs, la question n'était pas là. En vérité, M. Trémoli était fixé maintenant. Il dit à M. Louis Morsan, « Allons, j'ai compris, monsieur. Mon ancienne femme désire se remarier, et elle vous a chargé ou fait charger de venir me demander si je suis toujours dans les mêmes dispositions. Eh bien oui, monsieur, je ne tolérerai pas que... Détrompez-vous, monsieur. Mme Berthe Brunet ne désire plus se remarier, elle est remariée. » Les yeux de M. Trémoli brillèrent soudain d'une lueur sinistre, et il laissa tomber cette parole pleine de menaces, « L'imprudent !» Mais M. Louis Morsan parut n'y pas prendre garde, car il ajouta très tranquillement « Elle est remariée avec moi. »« Avec vous? Qui donc êtes-vous pour avoir osé? Je suis maître d'armes. » Un silence assez long suivit cette déclaration de M. Louis Morsan. Le regard de M. Trémoli ne brillait plus. Il s'était fixé sur le tapis de la pièce et il ne se relevait pas. Son front était barré d'un pli soucieux. M. Louis Morsan comprit parfaitement qu'un combat violent était en train de se livrer dans l'âme de son prédécesseur entre la jalousie, le respect d'engagement solennel et de très compréhensibles sentiments de prudence. Or, M. Louis Morsan ne nourrissait, lui, aucune pensée homicide. Il était même plutôt d'avis qu'il faut que tout le monde vive. C'est pourquoi il dit à M. Trémoli, « Si vous voulez, je pourrais vous donner des leçons. » M. Trémoli réfléchit, puis répondit avec condescendance, « C'est une idée. » C'était « Mission de confiance » par Adrien Bély.